Chapitre 10e. À partir de ce jour heureux, Gabriel se rendit tous les soirs auprès de son enfant. La bonne Toinon faisait le guet pendant que la jeune mère caressait le petit garçon et l'accoutumait à lui rendre ses baisers. L'enfant, naturellement gai, riait parfois de si bon cœur que Toinon, effrayé, venait recommander la prudence à la marquise. En apparence, rien n'était changé. Monsieur René, toujours endormi, rendait à sa mère les visites d'usage matin et soir sous les bras de la nourrice, plus gourmée que jamais. Le marquis venait souvent au château et se faisait montrer son fils à chaque visite. La beauté, la force de l'enfant l'émerveillaient, mais lui aussi ne l'avait vu qu'endormi. À l'un de ses séjours, plus long que de coutume, il eut la fantaisie de demander son héritier en plein jour, à l'heure où les yeux des enfants sont ouverts. « De quelle couleur sont ses yeux ? » demanda-t-il à sa femme pendant qu'on allait quérir la nourrice. « Je n'en sais rien, » balbutia Gabriel troublé. C'était vrai, car elle n'avait jamais vu l'enfant éveillé qu'à l'allure terne d'une lampe placée assez loin du berceau. « Que deviendrai-je, » pensait-elle, « s'il me reconnaît ?» René entra dans la chambre bien éveillée, ses yeux noirs, grands ouverts et pleins d'étonnement. À la vue de son père, il resta d'abord indécis, ne sachant s'il devait rire ou pleurer, puis sa figure ronde s'éclaira, et il sourit de l'air le plus gracieux au bel habit chamarré d'or, et peut-être aussi à la figure avenante de son père qui le regardait avec tendresse. Gabrielle, tremblante d'émotion et de crainte, plongeait jusqu'au fond de ses yeux d'enfant et, pour la première fois, constatait la ressemblance frappante du père et du fils. Son pauvre petit cœur, gonflé, prêt à déborder de sanglots, palpitait sous sa main qui essayait vainement de le contenir. Elle trouvait son fils si beau, et le père de cet enfant avait l'air d'en être si fier, qu'elle eût voulu les réunir dans une étreinte, ces deux êtres adorés, mais l'étiquette s'y opposait. « Votre fils est superbe, ma chère, » dit le marquis à sa femme, « je vous en fais mon compliment. »« Oh, mon ami, » dit naïvement Gabriel, « c'est tout votre portrait. » Le marquis, flatté, sourit. René, qui jusque-là n'avait vu que son père, se tourna vivement au son de la voix de sa mère, la reconnut, poussa un petit cri de joie et lui tendit les bras. Gabriel frémit. Ses yeux pleins de tendresse et noyés de larmes à peine retenues jetèrent à l'enfant un regard si ému que, tout petit qu'il fût, il en sentit la tendresse, puis elle lui passa légèrement le bout des doigts sur la joue. « C'est un enfant bien aimable, » dit la nourrice, obséquieuse en présence de son maître. « Pauvre petit, » pensa Gabriel, « il faut que tu attendes jusqu'à demain. Je ne pourrai pas aller t'embrasser ce soir. » En effet, tant que le marquis resta au château, elle lui tint compagnie. Elle attachait trop de prix à son bonheur pour risquer de le perdre. Cependant, elle avait grande envie de révéler à son époux l'abandon auquel la nourrice infidèle laissait l'enfant pendant des heures. Toinon lui conseilla d'attendre au moins que René fût sevré, et Gabriel se rendit à ce sage conseil. Le long hiver finit par s'écouler. Au printemps, la marquise attendait la naissance d'un second enfant, mais ses espérances de l'autre année s'étaient envolées. « On me prendra celui-là, » pensait-elle, « comme on m'a pris l'autre, et je ne pourrai être mère qu'en cachette. » René avait 14 mois. Grand et fort, il marchait déjà seul. Et la nourrice, qui s'était bien gardée de le dire, l'avait sevré depuis plusieurs semaines quand il fut malade pour la première fois. La marquise s'était bien aperçue d'une sorte de dépérissement chez ce robuste garçon. À diverses reprises, lors de ses visites secrètes, elle l'avait trouvé en pleurs. Mais que pouvait-elle faire? Son mari avait toujours tourné en plaisanterie son vif désir de s'occuper de l'enfant, et Gabrielle n'était pas à l'âge où l'on sait faire respecter ses droits et ses devoirs. Elle n'avait ni l'énergie, ni l'autorité voulue pour imposer sa volonté. Elle se contentait depuis plusieurs jours de pleurer en silence, tantôt sur le délaissement dans lequel la laissait son mari, tantôt sur les souffrances visibles de son cher petit garçon, lorsqu'un soir, le marquis étant au château où il recevait quelques seigneurs du voisinage, Toinon, fort agité, se glissa jusqu'à la jeune femme. Celle-ci, prétextant son état qui la fatiguait, s'était réfugiée dans un salon désert et, distraite, regardait par la fenêtre le crépuscule de mai s'étendre dans le ciel. « Madame, chuchota la fidèle servante, Monseigneur René est très malade, il est seul, il gémit, il est brûlant. » La marquise se souleva précipitamment, quitta sa chaise longue et courut, plutôt qu'elle ne marcha, jusqu'à cette chambre isolée, dont elle eut trouvé le chemin sans lumière, tant elle en avait compté deux fois les pas. Le bruit des conversations de la valetaille avinée montait par l'escalier de service. Les valets aussi fêtaient les valets des amis du maître. Leur gaieté grossière souleva le cœur de la marquise, qui passa vite et entra dans la chambre de son fils. L'enfant était seul, en effet. Très rouge, les yeux brillants de fièvre, il poussait dans son sommeil des cris inarticulés et semblait se débattre contre l'oppression. « Quand la nourrice est-elle descendue ?» demanda la marquise après avoir regardé, pâle de terreur et d'indignation, le sommeil douloureux de l'enfant malade. « Il y a plus d'une heure, madame, car je n'ai pas osé vous prévenir plus tôt, sachant qu'il y avait des hôtes au château. » Gabriel regardait toujours son enfant. Le berceau doré, surmonté d'une couronne comtale, orné de l'écusson des Morrèzes, lui faisait l'effet d'un cercueil. Une idée folle lui vint. Elle se pencha sur la couchette, enleva soudain l'enfant dans ses bras avec ses langes et ses oreillers, et le serrant bien fort contre son cœur, elle l'emporta rapidement dans sa chambre à coucher. Muette d'étonnement, Toinon l'avait suivie. « Madame, qu'avez-vous fait ? » dit-elle lorsque Gabriel, épuisé, se laissa tomber sur une chaise avec l'enfant toujours dans ses bras. « J'ai fait mon devoir, » s'écria Gabriel, « et maintenant je vais tâcher de sauver mon enfant. »« Que dira monsieur le marquis ?» balbutia Toinon épouvanté. « Tu verras bien ce qu'il va dire quand il apprendra qu'on a volé l'enfant de Morrèze, laissé seul dans son berceau. »« Ah, madame !» fit Toinon, en joignant les mains avec admiration. « C'est bien sûr le bon Dieu qui vous a envoyé cette idée-là. » L'enfant, serré contre le sein tiède de sa mère, s'était calmé. Sa respiration, plus régulière, indiquait moins de souffrance. Gabriel le déposa sur son lit, déjà préparé pour la nuit, et le couvrit de l'ombre des rideaux. « Qu'on le cherche à présent, » dit-elle, « c'est ici qu'on le trouvera. » La marquise épuisée s'assit. Sa fidèle Toinon s'accroupit sur le tapis à ses pieds, et toutes deux prêtèrent l'oreille avec angoisse, attendant le cri qui ne pouvait manquer de s'élever bientôt. Une demi-heure s'écoula, puis une autre. La valetaille banquetait toujours. Les hôtes du marquis faisaient aussi grand bruit dans la salle des fêtes. La nuit était tout à fait venue. La rumeur du jour s'était apaisée au dehors, et par la fenêtre entr'ouverte, le chant du rossignol arrivait à intervalles irréguliers. Parfois, une plainte de René ramenait près de lui les deux femmes inquiètes, puis le calme se rétablissait dans la chambre silencieuse. Un pas se fit entendre. Un domestique, par ordre du marquis, venait s'informer de la santé de madame. Cette marque d'attention toucha le cœur de Gabriel et lui parut de bon augure. Toinon, entrebâillant à peine la porte, répondit que madame allait très bien et désirait se reposer. Le pas du serviteur s'éloigna peu à peu, et le silence revint, long et mortellement pénible. Un grand cri résonna soudain. La marquise saisit la main de Toinon, la serrant de toutes ses forces, et se rapprocha du lit pour couvrir l'enfant de son corps. Un bruit confus de pas, de cris, de lamentations se fit entendre par toute la maison. On courait, on s'agitait. Des ordres donnés par mille voix se contredisaient les uns les autres. Puis le bruit monta, se rapprocha. « Qu'y a-t-il ? » fit au bas de l'escalier la voix irritée du marquis. « Monseigneur ! » cria la nourrice affolée. « On a volé l'enfant !»« Quel enfant ? » dit le marquis, incrédule. « Votre enfant, monseigneur !»« L'enfant de Morrèze ? » s'écria le marquis d'une voix tonnante. Et sans plus penser à sa dignité de grand seigneur, il s'élança dans toutes les chambres, cherchant lui-même avec frénésie. Il ouvrit brusquement la porte de la chambre de sa femme, et la voyant là, debout, si pâle, les yeux si pleins d'indignation, il trembla pour elle, comme il venait de trembler pour son fils. « Madame, dit-il, vous avez entendu, on a volé l'enfant. »« Demandez à cette femme, fit Gabriel avec un calme étrange, comment il se fait qu'on ait volé l'enfant ? » La nourrice, trop bouleversée pour être habile, raconta qu'elle était descendue pour souper. « En laissant l'enfant seul ?» demanda Gabriel, toujours calme. « Oui, c'est-à-dire non. Combien de temps êtes-vous resté en bas ?»« 10 minutes, madame la marquise, pas même 10 minutes, et personne n'a pu entrer car j'avais la clé dans ma poche. » Le marquis, effrayé du calme de sa femme, se demandait si le choc n'avait pas ébranlé sa raison. « Marquis, dit-elle, chassez cette femme qui vous trompe depuis trop longtemps. » Votre fils était seul tous les jours pendant des heures, je le savais. Il était malade et mal soigné, et quand j'ai vu cela, moi, sa mère, je suis entré dans sa chambre, ouverte et solitaire, et c'est moi qui ai volé l'enfant. » Elle écarta le rideau d'un geste superbe et désigna René endormi. Au cri que poussa son père en courant à lui, le petit garçon s'éveilla, plein de terreur. Mais Gabriel se pencha sur lui et aussitôt il lui passa ses bras autour du cou en l'appelant « Maman !»« Je vous chasse !» dit le marquis à la nourrice confondue. « Sortez tous !» ajouta-t-il en se tournant vers la foule qui avait envahi l'appartement. Quand ils furent seuls, le marquis s'approcha de Gabriel qui tenait son fils serré contre elle et mit un genou en terre. « Je vous demande pardon, dit-il, de vous avoir tant fait souffrir. » Gabriel réalisa son rêve, tenir son fils et son époux dans ses bras en même temps. Deux jours après, René se portait bien, et sous la garde de Toinon, il occupait une pièce contiguë à la chambre de sa mère. Chapitre 11e. Peu de temps après, la marquise donna le jour à une fille qui fut nommée Lucille, et dont le baptême ne fut pas moins somptueux que celui de René. Mais cette fois, la jeune mère ne rencontra pas les mêmes obstacles que lors de la naissance de son fils. Sur un seul point, le marquis ne voulut rien entendre, il ne permit pas à Gabriel de nourrir sa fille. Cette occupation roturière ne pouvait convenir à une noble dame. Mais celle-ci pouvait amuser ses loisirs à surveiller les soins mercenaires d'une nourrice. La sœur de Toinon, qui venait de perdre son second enfant, fut agréée par le marquis, moins disposée à prendre aveuglément conseil des gens du monde, et la petite famille, installée au château de Morez, prospéra à souhait. Gabriel, entre ses deux enfants, n'avait guère le temps de s'ennuyer, et les journées lui paraissaient courtes. Son mari seul manquait à son bonheur, elle ne pouvait se faire aux mœurs du temps. Puisque nous avons promis réciproquement devant Dieu de nous aimer jusqu'à la mort, disait-elle à une parente venue tout exprès pour la voir d'une province éloignée, n'est-il pas naturel que mon époux me chérisse autant que je l'aime? Madame de Rogis n'était pas éloignée de partager cette opinion, mais son mariage n'avait pas été des plus heureux. Elle était née sensible, comme on disait à cette époque, et pour peu que son mari s'y fût prêté, elle l'eût placé, au figuré, s'entend, dans une niche, comme un saint, pour brûler à toute heure devant lui l'encens d'une adoration passionnée. Mais M. de Rogis était beaucoup trop imbu de l'esprit du siècle pour se prêter à ces effusions bourgeoises de tendresse conjugale. Il avait pris son vol vers la capitale, où il était resté, pendant que sa meilleure moitié soupirait en province après son bonheur disparu. Depuis, il avait eu le bon esprit de mourir. Quelques mauvaises langues prétendaient que la belle délaissée avait eu des consolateurs. Si cette médisance était vraie, les consolateurs n'avaient fait que passer, et à coup sûr, ces apparitions fugitives avaient été suivies de beaucoup de larmes et de remords. La visite de cette parente fit à la fois beaucoup de bien et beaucoup de mal à Gabriel. Il est certain qu'elle avait grand besoin de société. À 18 ans, seule avec des enfants au maillot et des domestiques, la jeune femme était accessible à toutes les tentations. Mais ce n'est pas la société de Madame de Rogis qu'il eût fallu à la marquise. La jolie veuve, car elle était encore jolie malgré ses 42 ou 3 années, avait rapporté de Saint-Cyr, où elle avait été élevée, une austérité apparente qui ne faisait que voiler des manières plus faciles à l'usage des sensibilités mal comprises. C'est cependant cette femme aimable et dangereuse que le marquis pria de tenir compagnie à Gabriel lorsqu'il fut appelé à partir avec son régiment. La guerre de la succession d'Autriche venait d'éclater. Les plus beaux et les meilleurs de nos régiments devaient payer leur part de contribution au boulet de l'ennemi. La marquise fut inconsolable. Cet époux tendrement aimé que 3 années de mariage lui avaient à peine fait entrevoir, malgré ses négligences, malgré ses infidélités, plus que soupçonnées, était pourtant, aux yeux de la jeune femme, un être supérieur, digne de toutes les tendresses. S'il eût voulu, elle aurait quitté jusqu'à ses enfants pour le suivre en campagne, mais le ridicule d'une semblable proposition fit rire le marquis jusqu'aux larmes au moment pathétique des adieux. « Ne voudriez-vous pas, ma chère, lui dit-il, « emmenez aussi vos enfants et la nourrice. » Il partit après avoir tendrement rassuré Gabriel, mais non pour quelques mois, comme il le disait et le croyait. 18 années devaient s'écouler avant qu'il franchît de nouveau le seuil de sa demeure. Quand le carrosse qui emmenait son mari eut disparu sur la route, Gabriel, qui l'avait regardé tant qu'elle avait pu distinguer quelque chose, refusa les soins de ses femmes et ceux de sa parente. La vue même de ses enfants ne lui parut pas une consolation. Elle s'enfonça dans le parc, jusqu'alors peu visité, car elle avait eu trop de soucis dans le château pour l'aimer. C'était à la fin de juillet. Les tilleuls laissaient tomber leurs fleurs séchées qui bruissaient sous le frôlement des jupes. Une odeur parfumée, sèche et chaude, montait au cerveau. Derrière la jeune femme, le parterre éclatant mettait des tons rouges et orangés sur le tapis des verdures. Le soleil était dans son plein, et sous les quinconces, la terre poussiéreuse, crevassée par la chaleur, laissait sourdre des milliers de petits insectes bruissants. Gabriel s'arrêta, regarda toute cette vie, secoua la tête et s'enfonça plus avant. Elle atteignit un rond-point de charmille où des bancs de pierre entouraient une sorte de tribune préparée sans doute pour des musiciens. Là aussi, elle regarda autour d'elle, secoua la tête et reprit sa marche. Les fêtes du monde n'avaient point d'attrait pour elle. Son cœur n'avait été jusque-là plein que de son mari. Que lui importait ce qui plaît aux âmes mondaines? Conversations galantes, compliments, regards d'admiration, badinage flatteur, épigrammes spirituelles, tout cela était néant pour son esprit droit et casanier. Elle marcha longtemps, cherchant un endroit où elle pût se reposer avec plaisir, et n'en trouvant aucun dans ses allées droites, dans ses courbes régulières. Enfin, elle atteignit un lieu presque sauvage, abandonné sans doute à cause de son éloignement du château. Un banc de marbre fendu par les gelées, recouvert à demi par le lierre, décrivait un hémicycle près d'une table de marbre rongée par les mousses. Quelques statues verdies entouraient ce lieu de repos solitaire. Les ronces et les chèvrefeuilles leur faisaient un vêtement d'été. Une nymphe couchée laissait tomber de son urne brisée un filet d'eau limpide sur ses pieds de marbre usés par le temps et l'abandon. C'était bien là que l'âme meurtrie de Gabrielle pouvait chercher le repos. Elle s'assit sur le banc, voila de ses deux mains son beau visage couvert de larmes, et regarda en face sa destinée. Chapitre 12e. C'est fini, se dit Gabrielle, lorsque ses larmes taries lui laissèrent ce repos mélancolique qui suit les crises. Le marquis peut survivre au hasard de la guerre, il peut revenir, mais moi, j'ai perdu mon mari. Au souvenir des beaux jours de son mariage, les yeux lassés de la jeune femme laissèrent échapper encore quelques larmes, puis elle reprit le cours de ses pensées. Son bonheur était mort depuis longtemps. Ce n'était pas de ce jour que son mari l'avait quittée. Vainement, elle avait voulu se rattacher aux marques d'affection qu'il lui donnait encore de temps à autre. Vainement, elle avait cru voir des preuves d'amour dans ses rares visites. L'indifférence bienveillante de l'époux s'était dévoilée aux yeux d'Essie et de l'épouse à ce moment des adieux, si déchirant pour elle. « Il m'a prise, » se dit-elle amèrement, « parce qu'il fallait des héritiers à la maison de Morez. Il a des enfants. Que suis-je pour lui ?» La mère de ses enfants seulement. Sa femme, aux yeux du monde. En réalité, rien. Je mourrais demain qu'il ne me pleurerait pas une heure, et moi je lui avais donné ma vie. Elle se souvint des prières passionnées qu'elle adressait autrefois au ciel pour le maintien de sa beauté. Puisque le marquis l'aimait ainsi, ne devait-elle pas désirer de rester belle? À quoi bon maintenant? Il m'eût aimé autant ou aussi peu, si j'eusse été laide, pensa Gabrielle avec dépit. En ceci, elle se trompait. Le marquis eût pu épouser une femme laide, mais il ne lui eût point parlé d'amour. Il pouvait être léger, frivole, égoïste, mais il n'était point menteur. Gabrielle commettait encore une autre erreur. Son mari l'aimait au fond plus qu'elle ne pensait, plus qu'il ne le croyait lui-même. La douceur, la résignation de sa femme l'avait profondément touché. Plus d'une fois, en rentrant à l'hôtel de Morez après une joyeuse nuit de fête, il s'était dit que le château n'était point un séjour délicieux. Et il n'avait pu s'empêcher de penser que, parmi les femmes qu'il voyait, pas une n'eût accepté le genre de vie qu'il avait imposé à la marquise. Mais ses bonnes pensées, visiteuses matinales quand il ne s'était point couché, s'envolaient après son sommeil. Il lui restait peu de souvenirs de ses impressions passagères. « Que vais-je faire ? » se dit Gabrielle, après qu'elle eut épuisé l'amertume de toute son âme. « J'ai 18 ans. Je suis veuve, pour ainsi dire, je n'ai pas d'amis. » La seule parente qui s'intéresse à moi est Madame de Rogis. La vie du monde ne me plaît pas. Que vais-je faire ? Elle médita quelques instants, puis se dit « Mes enfants me restent. J'élèverai mes enfants. » Une joie intense inonda le cœur de la jeune mère. En effet, elle avait ses enfants. Comment n'y avait-elle pas songé plus tôt ? Comment l'idée de ces deux anges gardiens ne lui était-elle pas venue ? Pleine d'espérance et de gratitude envers le ciel, Gabrielle se dirigea vers le château. Sa marche n'était plus lente et affaissée, elle ne sentait plus la fatigue ni le découragement. N'avait-elle pas amplement de quoi remplir sa vie? Comme elle atteignait les degrés de l'escalier royal qui montait au château, elle aperçut un homme en costume de voyage très simple qui l'attendait, nu-tête, un papier à la main. « Que voulez-vous ? » lui dit-elle, non sans étonnement, car les nouveaux visages étaient rares à Morez. L'homme s'inclina profondément et présenta à la marquise le papier qu'il tenait. C'était un fragment des tablettes du marquis. Le billet, tracé au crayon, ne contenait que quelques mots. « Madame, disait le marquis, je vous envoie un fidèle serviteur dont mon père a bien voulu se priver en votre faveur. C'est un ancien majordome qui a fait ses preuves à notre service. Faites-en l'usage qui vous conviendra et ne craignez pas de vous fier à sa fidélité. « Vous vous nommez ?» dit la marquise en levant les yeux sur le serviteur ainsi recommandé. « Robert, madame la marquise. »« Eh bien, Robert, vous faites partie de ma maison. Installez-vous et voyez ce à quoi vous pouvez être utile. » Robert s'inclina en silence, et la marquise se rendit près de ses enfants. Quand elle eut disparu à ses yeux, le fidèle serviteur resta pensif. « Elle est bien charmante, » dit-il, « mais trop jeune, trop jeune. Ce n'est pas là ce qu'il fallait à la maison de Morez. »